Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette italienne et le moteur vient de Berlin. J'ai serré toutes les mains, mais quand je vais t'écale, ça va pour moi. Ça joue trop les you-wa, quand j'arrive t'es mal le convoi. C'est nous qu'on voit dans le club, t'es mal et nous j'ai. J'ai pas beaucoup de temps, je dois t'écale à midi pétante. T'es malâtrement, sors-nous vite tous les documents. Tu te souviens de moi, le petit qui côtoyait le babé. À la base, je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Si t'as nul en dernière minute, ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Bazarder l'Occident. Le sage a bien dit, attention, cachez vos sentiments. C'est Dieu qui donne, t'attends quoi pour lever tes mains. Comme la police, je suis matinal, fâché, fâché comme un timal. Le couloir est étroit, j'avance et tout le monde me téma. Dans le ciel un trou noir, le rap français dans l'entonnoir. Des adversaires dans le coma, chicha, chicha dans les poumons. Toujours dans les tourments, à Bobo Babi c'est comment. À la base je ne suis là que pour ma paye moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds c'est chez moi. Si t'as nul en dernière minute ça la fout mal. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Nasima, Fimbuna Fimbu, Mona Yolo Nazaka Kawana, Kaka Nikolo, Motote Nasima, Fimbuna Fimbu, Mona Yolo Nazaka Kawana. A la base, je ne suis là que pour ma paye, moi. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi.